The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Floor. L'étage. Stuck. Bloqué. Nightmare. Le cauchemar. Claustrophobic. Claustrophobe. To avoid. Éviter. Elevator. L'ascenseur. For once. Pour une fois. Emergency. L'urgence. To breathe. Respirer. To suffocate. Étouffer. To work. Fonctionner. Saved. Sauver. Now, a bit faster. Stuck. Bloqué. To avoid. Éviter. Claustrophobic. Claustrophobe. To breathe. Respirer. To avoid. Éviter. Nightmare. Le cauchemar. To breathe. Respirer. To work. Fonctionner. Emergency. L'urgence. Stuck. Bloqué. To avoid. Éviter. To suffocate. Étouffer. To breathe. Respirer. To avoid. Éviter. Emergency. L'urgence. Floor. L'étage. Emergency. L'urgence. Nightmare. Le cauchemar. For once. Pour une fois. Claustrophobic. Claustrophobe. Stuck. Bloqué. Saved. Sauvé. For once. Pour une fois. Claustrophobic. Claustrophobe. To suffocate. Étouffé. Now, use the words in context. Bloqué. She's stuck in the bathroom. Elle est bloquée dans les toilettes. Claustrophobe. I'm not claustrophobic. Je ne suis pas claustrophobe. Éviter. I avoid taking the metro when it is too crowded. J'évite de prendre le métro quand il y a trop de monde. Respirer. Smell the light scent of this flower. Respire le parfum léger de cette fleur. Étouffer. I'm suffocating in this place. J'étouffe dans cet endroit. Claustrophobe. I'm not claustrophobic. Je ne suis pas claustrophobe. Éviter. I avoid taking the metro when it is too crowded. J'évite de prendre le métro quand il y a trop de monde. Respirer. Smell the light scent of this flower. Respire le parfum léger de cette fleur. Étouffer. I'm suffocating in this place. J'étouffe dans cet endroit.